Je devrais pleurer. » La porte d'entrée se referma doucement derrière Amélie, les rotors des quatre serrures se verrouillant silencieusement. Elle revenait plus tôt que d'habitude, passé les 22 heures. Mais c'était toujours le calme plat dans la banlieue fortifiée de Belœil. Suivant la routine, Amélie envoya ses clés dans le bol de mousse phosphorescente, l'épais tapis beige crème absorbant le son de chacun de ses pas, tandis qu'elle pénétra dans le salon. Elle soupira. Ce n'était pas l'écho des foules en délire qui l'accueillait cette fois-ci, mais des murmures au bout de lèvres humides. Les chuchotements mouillés se fondaient en gémissements rauques à travers la maison jumelée, ponctués par l'occasionnel claquement de chair contre chair. La porno cyberdélique enrobait toute la pièce, sa lueur fantomatique, ses mouvements hypnotiques. Une mer de peau oscillait sensuellement, éclaboussée de gouttelettes visqueuses, une verge gorgée glissant entre deux seins parfaitement symétriques, leur valse cernée de toutes parts par des langues dégoulinantes de perles nacrées. Pantalon autour des chevilles, avalé dans le fauteuil mou, Jonathan se caressait lâchement, la main enduite d'un lubrifiant synthétique, bleu électrique. De l'autre main, il signalait des commandes au capteur. Chaque oscillation de ses doigts et de son poignet était traduite en mouvement dans la projection. Les mutations étaient à peine perceptibles, mais les mouvements, le va-et-vient, les tressaillements semblaient suivre ses faits et gestes. « Salut !» lança Amélie dans l'embrasure du salon. Jonathan sursauta. « Salut !» cracha-t-il dans la surprise. « Shit, donne-moi une seconde !» Alors qu'il remontait ses pantalons, la scène entière dérailla, incapable de suivre ses indications. La peau s'étira comme une toile dans le vent. Tout à coup, Amélie ressentit une vibration dans sa poche, sortit son portable. Sur l'écran à cristaux liquides brillaient des lettres blanches toutes fines. « Chez Lafrenière, tout le monde t'attend. M. » Ignorant le message, Amélie s'assit dans le salon. Jonathan se débattait avec sa fermeture éclair. Amélie grinça des dents. « J'ai... » commença-t-elle. Jonathan sauvegarda sa session et éteignit la projection. Rapidement, le salon retrouva sa lumière halogène, mielleuse, soporifique. « J'ai été suspendue, » insista Amélie. « Aujourd'hui, sans solde, durée indéterminée. » « Hein ?» grommela l'autre en s'essuyant la main d'un mouchoir. Amélie ressentit une nausée soudaine. « Je devrais pleurer, » pensa-t-elle. « J'ai été slaquée, Joe, » insista Amélie. « Mise à la porte. Ciao, bye. Comme ça. » Jonathan dévisagea soudainement son épouse, incrédule. « Quoi ?» tenta-t-il, pris au dépourvu. « Pourquoi ?» Émeute en ville, grabuge. Des caméras m'ont filmé. Les vidéos ont fait le tour du fil. Puis avec ce qui est arrivé l'autre jour. « Mais là, bébé !» bredouilla Jonathan. « Mais là !» Pas de psychologue cette fois-là. Pas de ressources humaines. Juste une poignée de main. Ils m'ont dit que c'était pas personnel. Politique. Tu sais, l'image du service. Et j'ai... Le portable d'Amélie vibra à nouveau. Un appel cette fois-ci. Elle ne répondit pas. « J'ai... » bafouilla-t-elle en vain. « J'ai de la peine », voulait-elle dire. C'était difficile. Mais Jonathan l'interrompit avant qu'elle réussisse à terminer sa phrase. Il se redressa dans son fauteuil, soudainement préoccupé. « Et comment on va faire ?» demanda-t-il paniqué. « Pour payer l'hypothèque, hein? Comment on va faire? » Amélie ne s'attendait pas à cette question. Elle réalisa à cet instant qu'elle ne s'attendait pas à grand-chose de son mari, mais certainement pas à ça. Un millier de questions surgirent alors, surtout des accusations. « C'est tout ce que tu as à me dire? » pensa-t-elle. La colère montait. Amélie voulait parler. En était incapable. « Tu prends encore tes médicaments ?» coupa Jonathan d'un air méfiant. « Tous les jours. Hein, bébé? » Amélie se mordit la lèvre. Elle secoua la tête de haut en bas. Sans dire un mot, elle se leva, quitta le salon. À travers les mèches folles de son front, Jonathan la regarda s'en aller, la suivant de ses yeux piteux. Elle gravit les marches deux à deux. Ensuite, elle se précipita à travers la chambre en ligne droite. Les lumières suivant son parcours délicatement, s'enferma dans la salle de bain et barra la porte. Tout était confortable, enveloppant, d'une chaleur rassurante. La douche verticale, le bain tourbillon qui ne servait jamais, le distributeur de fragrance de lavande, les tuiles du plancher tiède, propre, impeccable. Les chandelles aromatisées à la vanille, le sèche-cheveux, le bol de pot-pourri, les coquillages en plastique. Mais le monde d'Amélie vacillait. Son cœur battait à tout rompre, le sang battait dans ses tempes, elle avait la nausée. Elle balança une brosse à dents électrique dans le lavabo, ce qui activa les senseurs et fit couler l'eau du robinet. Espérant que le bruit la camoufle, Amélie se précipita sur la cuve, lâcha un couinement atroce, tenta de vomir, contracta le ventre, à s'en tordre les entrailles. Rien. Elle avait l'estomac noué, la gorge serrée, mais ses yeux étaient secs. « Je devrais pleurer, » répétait-elle. « Je devrais pleurer. » La réponse apparut soudainement. Amélie se hissa sur les coins du lavabo, se redressa devant le miroir, l'ouvrit, saisit une bouteille de plastique. Du Duloxétine, 400 mg. Quelques contre-indications suivies d'une série d'effets secondaires listés en petits caractères. Elle contempla les pilules pendant un instant, réalisa que c'était l'heure de sa dose quotidienne. Mais une autre idée lui traversa soudainement l'esprit, toute nouvelle et séduisante. Frénétiquement, elle vida ses poches, leur contenu tombant pêle-mêle sur le plancher. Factures, enveloppes de bonbons, portefeuilles, cellulaires. Ses doigts trouvèrent finalement le métal froid du canif. Sans hésiter, elle déboucla sa ceinture, déboutonna ses pantalons, renvoya ses jeans d'un coup de pied. Triomphante, Amélie s'assit sur le bord du bain, accueillit la sensation glaçale de l'acrylique sur ses fesses. D'un simple geste du pouce, la lame acérée du canif s'ouvrit. Sans plus attendre, elle écarta les jambes, appuya un pied sur la cuve de la toilette, serra ses mâchoires et appuya la pointe de la lame à l'intérieur de sa cuisse, juste au-dessus de l'aine. Parmi les papiers chiffonnés sur le plancher, le portable vibrait à nouveau, affichant ses lettres lumineuses dans la salle de bain. « Mais qu'est-ce que tu fais? »« M. »